Bonjour à tous et bonjour à toutes. On va passer ensemble une demi-heure à écouter du disco et du funk. Alors pour la découverte du jour, on va écouter Saphir avec son titre Make Love to the Music, sorti en 1983 et paru sur l'album Rock Me Slowly. J'ai pas trouvé grand chose sur le groupe, mais comme je trouve le morceau très entraînant, je ne peux pas m'empêcher de vous le diffuser. Pour une découverte, ça va vous faire décoller. C'est parti. Yes. Disco et Mr. Funk sur Fadjet. Comme tous les ans, en ce début du mois d'avril, je voudrais rendre hommage à Marvin Gaye. Le 1er avril, cela fait 40 ans qu'il nous a quittés. Et pour lui rendre hommage, deux titres. Sexual Healing est écrite à Ostende et enregistrée dans le studio de Marc Arian à Ohain, en Belgique. C'est paru en 1982 sur le label Columbia Records et il va s'agir du premier single de Marvin Gaye depuis son départ de la Motown. Alors la chanson, elle est répertoriée 233e sur les 500 plus grandes chansons de tous les temps selon le magazine Rolling Stone. Elle a permis à Marvin Gaye de remporter deux Grammy Awards, à savoir le Grammy Award de la meilleure prestation vocale masculine et le Grammy Award de la meilleure prestation instrumentale masculine aussi. Sexual Healing a notamment été repris par Sarah Connor en 2007 ou encore Michael Bolton, ainsi que les chanteurs de groupe reggae Devon Russell et Jimmy Riley. Le second morceau est un peu moins connu et donc c'était l'occasion de vous le faire découvrir, entendre surtout. Alors il s'agit de Funk Me, tiré de l'album In Our Lifetime, paru en 1981. C'est parti! I think I'm capsizing. The waves Fadjet, d'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. le maxi, pas de limite avec le groupe The Limit. Un bon morceau datant de 1982 intitulé Crime of Passion. Il fut repris dans le seul album du groupe intitulé The Limit, paru en 1985. Étonnamment, She's So Divine n'y figurait pas, alors qu'il s'agit d'une véritable bombe. Ah, il fait partie de ma playlist. Mais bon, les choix sont quelquefois déroutants. C'était en 1982, et ça donnait ça. I wanna give it. Alors la pépite, on y arrive. Ça fait longtemps que l'on n'a pas eu la chance d'écouter Artakit et sa voix légendaire. I Love Man est le second extrait de l'album portant le même nom. Il est sorti durant l'été 1984. Le succès du disque est dû à la collaboration avec Jack Morali et ainsi qu'à sa réalisation, bien sûr. Jack Morali, c'est celui qui a mis sur le devant les Village People. Sa patte sera surtout remarquée sur I Don't Care et This Is My Life. Alors pour le classement, c'est une modeste 50e place dans les charts. Mais bon, on aime quand même bien Artakit, c'est pour ça que je vous la diffuse. Il est temps de se dire au revoir, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye!